M'y promenant tout autour du moulin, j'y rencontre la meunière. M'y promenant tout autour du moulin, mademoiselle, vous portez-vous bien? Mademoiselle, si cela vous plaît, venez avec moi à l'ombre. Mademoiselle, si cela vous plaît, venez avec moi à l'ombre. Je vous ferai voir l'oiseau dans les airs et la feuille qui tremble. Je vous ferai voir l'oiseau dans les airs, le bout du monde et la feuille à l'envers. Quand la belle vit cet oiseau, elle se mit à rire. Quand la belle vit cet oiseau, elle se mit à rire. Prête-le-moi, Colin, mon ami, que je le mette en cage. Prête-le-moi, Colin, mon ami, que je le mette en cage aujourd'hui. Au bout de 8 à 9 mois, tout au plus, arriva un naufrage. Au bout de 8 à 9 mois, tout au plus, arriva un naufrage. La cage s'ouvrit, l'oiseau est parti. Oh mon Dieu, quel dommage! La cage s'ouvrit, l'oiseau est parti. Il ne reste plus rien dans son petit nid.